of the world adored by the sun's rays. What's left to do but to feel it all? You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Il est 17h, bienvenue sur Fun Radio. Dans un instant, on va sur le son d'Enrique Iglesias. Ce sera juste après les infos avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. C'est dans 6 jours maintenant qu'aura lieu le référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais la campagne en faveur ou non du maintien dans l'Europe a été momentanément interrompue par les différents ténors politiques après le meurtre d'une députée travailliste pro-européenne, abattue en pleine rue par un homme qui aurait crié « Britain first », le Royaume-Uni d'abord. Le débat sur le Brexit a donc pris une tournure tragique par la faute d'un certain Thomas Mayer, un homme de 52 ans, partisan d'un groupe néo-nazi basé aux États-Unis, l'Alliance Nationale, qui prône une nation peuplée exclusivement de blancs et l'éradication du peuple juif. Ce qu'il faudrait éradiquer, c'est plutôt la propagande haineuse véhiculée par tous ces gens qui n'arrivent pas à admettre qu'on puisse être différent d'eux, les racistes, les homophobes, les islamistes, bref, les intolérants en tout genre. Mais la tâche semble franchement insurmontable, vu que ça reviendrait à éliminer la bêtise humaine, allez savoir comment. La victime, elle, était au contraire favorable à la diversité. Elle avait notamment fait sienne la cause des réfugiés syriens. Jo Cox, c'est son nom, avait 41 ans. Je faisais allusion aux islamistes à l'instant, mais on peut franchement se demander si Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie du commando djihadiste qui a semé la mort à Paris en novembre dernier, on peut se demander donc si ce type était vraiment motivé par des considérations d'ordre religieux. Une source proche de l'enquête a en tout cas révélé que quelques heures après les attentats, Abdeslam, en attendant qu'on vienne le chercher en voiture de Belgique, s'est réfugié dans les étages d'une tour où il a rencontré deux ados avec qui il a partagé des frites et des joints. Or, je suis pas sûr que pour Daesh, le cannabis soit toléré. Quoi qu'il en soit, d'après le témoignage des deux ados, Abdeslam était plutôt calme et n'a pas manifesté d'émotion particulière en visionnant les images des attentats sur le smartphone d'un des jeunes. Il a juste dit que c'était triste. Ce n'est que deux jours plus tard que les adolescents ont reconnu le visage du terroriste à la télé. Ils ont alors prévenu la police. L'Allemagne et la Pologne avaient survolé leur groupe de qualif pour l'Euro 2016 de football. Eh bien, elles survolent aussi le groupe C de cet Euro. L'Allemagne et la Pologne qui ont fait match nul hier soir 0-0 et comptent chacune 4 unités pour 3 à l'Irlande du Nord, victorieuse de l'Ukraine, qui a le triste privilège d'être la première équipe éliminée dans cette compétition. Et puis cet après-midi, il y a quelques minutes, l'Italie, elle s'est qualifiée pour les 8e de finale dans le groupe de la Belgique. L'Italie qui a battu la Suède 1-0, but inscrit par Eder à 3 minutes de la fin et qui compte donc 6 points. La Suède n'en a qu'un. C'est bien que si la Belgique bat l'Irlande demain, elle s'emparera de la deuxième place qualificative. On le sait, à 18h, la République tchèque affronte la Croatie. À 21h, ce sera Espagne-Turquie. Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. La suite du son, c'est avec Enrique Iglesias. Est-ce que ça se passe justement? Est-ce qu'on va pouvoir se mettre dans l'ambiance Carlo des vacances un petit peu? Il va y avoir du soleil ou pas ce week-end? Dimanche un petit peu, demain ce sera comme toute cette semaine. Donc en fin de week-end, ça va s'arranger avec le retour d'un temps sec et de quelques éclaircies. Les températures seront toujours un petit peu inférieures aux 20 degrés. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Enrique Iglesias. Salut. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Sufrimiento que te hace llorar. Yo, it's time. Vous sortez du boulot, les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique, branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey, ça commence maintenant sur Fun Radio. Vendredi, vendredi, vendredi. Vendredi, vendredi, vendredi. Joie collective. Non mais désolé, on est en train de péter un câble, mais quand c'est la fin de la semaine comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien les gars, ça y est quoi. Wouh, c'est vendredi, vendredi. Chaleur, on l'a fait, c'est la fin, ça y est, c'est le week-end. Vous allez faire quoi de beau ce week-end les gars? Oh, pas grand chose. Moi, je vais regarder le match demain en, ouais, en plein air. J'allais dire, comment ça, pas grand chose. Bah, à part ça, que les Diables Rouges demain ils jouent, c'est un match décisif. Et vous vous rendez compte que si on gagne pas, c'est foutu, on est éliminé. Eh ben même moi, je vais aller voir le match. Je suis pas sûre que. Attends, je sais pas comment trop ça. Comment ça fonctionne? On est éliminé ou alors on n'est pas éliminé si on gagne pas? Bah, ça dépend. Après, il y a des calculs, tu vois, si les autres équipes perdent ou gagnent ou machin. Quel bordel. C'est, Mais surtout que je pense qu'il y a, même un repêchage à tout moment. Donc, mais non. Si, apparemment. Il y a un repêchage apparemment. Un repêchage. En fait, c'est comme à la foire, il y a le repêchage. D'accord, mais okay. Je suis pas sûre quand même de ton info. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté de la radio est un spécialiste du football? Mais genre, un vrai spécialiste qui raconte pas des bêtises. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est éliminé si on gagne pas le match demain? 30-44 pour vos messages, parce que je suis pas sûre de l'info. Si vous gagnez quand même. Pas, vous êtes mal barré de toute façon. De toute façon, ouais, ça c'est clair, ça sera de mauvaise augure. Donc, toi demain, tu vas voir le match, Fab, yes. Toi, tu vas faire moi quoi aussi. Toi match, aussi barbecue, chips, bière. Ah, ça c'est le programme idéal. quoi. Et toi? Bah je sais pas où je vais Bronzette. Le voir moi, j'ai pas d'amis. Ah, chez Fab? Non, j'ai déjà été l'autre fois, c'était bizarre, je veux plus y aller. Ok, je vais encore t'inviter quoi. Mais non, c'est pour rire. Non, mais je sais pas, je me dis à Charleroi, à Montigny-le-Tilleul, il y a un truc. Ah ouais? Je vais aller voir, ouais. Bah ouais, je vais aller voir avec les Carolo, quoi. Ouais. 6-0-0-0 représente, tu vois, ouais, ma biche. Fais gaffe, il y a plus d'Italiens que de Belges à Charleroi. Ça, c'est vrai, ça aussi. ça va être un sérieux problème. Bon, j'espère que vous, ça se passe bien de l'autre côté de la radio. Que vous avez fini de bosser, que vous êtes déjà en week-end. Si c'est le cas, bah, profitez-en. Dans un instant, on va sur le son de Martin Solveiger, aussi Rihanna. Et alors, si vous voulez repartir avec vos places, direction Walibi, restez bien à l'écoute de l'émission parce que je vous explique tout ça juste après. Right now. There's no more waiting, tonight is the night. And it can't be wrong, not if it feels as right. Turn it up, scream it loud, yeah. La suite du son Dance Floors avec Justin Timberlake, que ça se passe sur Fun Radio, c'est bon ça. Il y aura aussi Autonose, le nouveau son là avec Avicii qui arrive dans quelques petites minutes. Ça arrivera juste après les People. Des paillettes, du glamour et Fab. C'est l'actu People dans l'Happy Hour. On va se faire aussi le jeu du Tic Tac Boom dans l'émission juste après. Donc si vous voulez venir jouer avec nous et affronter Sandro et Fab et voir qui sera le grand gagnant du Tic Tac Boom, eh ben vous envoyez Tic par SMS au 3044. Je rappelle quand même que pour le moment c'est Fab qui est en tête. Merci. Trop de flatterie, arrêtez. Mais attention, Sandro tout doucement revient à la charge, ouais. Puisque je rappelle que tu as 5 victoires Fab et que Sandro en est déjà à 3. Oui, attention, respecte-moi. Le minou il progresse. Un jour ou l'autre, j'arriverai à te battre. Tu peux le faire, moi je crois en toi, Sandro. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du tic-tac-boom, le jeu c'est simple en gros, hein, ils vont essayer de vous faire deviner un maximum de mots. On se fera ça dans un instant, juste après les People. C'est quoi le programme aujourd'hui? Alors, il est arrivé une mésaventure à une nana qui m'a fait mourir de rire. Sympa. C'est le genre de truc qui peut t'arriver à toi. Ouais. Non, pourquoi? C'est quoi? Jennifer Aniston, la belle Rachel de Friends. Ah oui, je vois, ça y est. Elle a été photographiée avec son mari en bikini sur la plage. Bah, déjà, ça peut pas m'arriver parce que j'ai pas de mari, donc non, déjà. Ça peut t'arriver d'être en bikini sur la plage. Et là, les paparazzis ont directement lancé l'info. Waouh, elle a du bide, elle est enceinte. Oh non. Son attaché de presse a démenti en disant non, les gars, calmez-vous. Alors, c'est un peu la honte, mais c'est juste que voilà, à ce moment-là, elle sortait d'un repas, elle avait trop bouffé. Oh non. Et comme elle se sentait à l'aise, eh ben, elle avait lâché son ventre. Oh, mais la pauvre. Mais ça, vous êtes bien des mecs pour rigoler d'elle, vous vous rendez pas compte. Et tu sais que moi. Mais ça t'arrive, je sais, oui. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais c'est une vraie histoire. Genre, j'étais en train de regarder un match au Sporting de Charleroi avec mon père et à un moment donné il y a un gars qui vient près de moi et fait félicitations et je fais ok, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, je me dis peut-être il parle de la radio parce que comme maintenant on a l'émission et tout et, non il me dit et c'est pour quand, de quoi il parle lui, oh là là. Il me dit mais, ça, tu sais déjà le sexe, je dis, c'est un Big Mac. Oh mon dieu, j'étais mal à l'aise, mon père était mort de rire à côté, c'était la plus grosse mais honte de toute ma life, sérieusement. Donc je franchement big up à elle, je la soutiens, ouais, je comprends ce que c'est, je suis sûre que vous aussi de l'autre côté de la radio il y a plein d'auditrices qui s'est déjà arrivé. Les gars, on peut juste prendre un peu de poids sans mais être ouais, enceinte. Mais hein, chez toi, bon, je peux comprendre. Mais elle, en même temps, elle est tellement mince, elle a mangé deux olives, elle a l'impression ouais, qu'elle est enceinte. Quoi, la pauvre. Bon, t'as d'autres infos? Oui, eh ben, Beyoncé qui a fait un truc qui m'a plu. Alors j'ai décidé elle de lui faire. Elle s'est mise à poil. Non. Oh. J'ai décidé de lui faire. Moi, je la trouve pas super jolie. Hein, ça m'excite what pas. Pardon. Pardon. Non, ouais, ça va. C'est pas mon style. Arrête de meuf. I'm a second ladies. I'm a second ladies. Oh, it's a good hands up. Non, quand elle non. check son bouli, ça te fait rien? Non, moi, je suis pas chocolat au lait. Ou c'est chocolat blanc ou chocolat noir, mais pas au milieu, tu vois. Toujours obligé de parler de bouffe, hein, celui-là. Mais elle a fait un truc qui est vachement sympa. Elle était en concert dans la ville de Détroit. Et la ville a eu des problèmes il y a quelques temps. Ils ont des problèmes d'eau potable. Et beaucoup d'habitants n'ont toujours pas d'eau potable chez eux et n'arrivent pas à en avoir. Bienvenue sur National Geography. Non, mais des catastrophes, machin, tout ça. Et bien, Beyoncé a reversé 100 000 dollars de sa tournée, de son concert, de sa date là-bas, ouais, aux habitants de la ville pour qu'ils puissent faire les démarches et avoir de l'eau potable. Waouh, on classe. Applaudit. Bravo. On applaudit. Bravo Beyoncé, c'est très gentil. Bah comme quoi, elle garde pas sa thune pour elle, c'est tu cool. Vois. Bah elle est plus à 100 000 dollars près en même temps. Oui, c'est ça. Dire, à un moment donné, quand t'es tellement riche aussi, tu peux donner un peu de ta fortune. Hein. 100 000 dollars, elle a payé par proton la meuf. C'est énorme. Les infos people, ça sera de retour très vite dans l'émission. Côté son dance floor maintenant, c'est Justin Timberlake que je vous ai calé. Il y aura le nouveau Avicii aussi, vous l'avez entendu pour la première fois sur Fun Radio. Et juste après, attention, si vous voulez venir jouer avec nous, c'est le Tic Tac Boom qui débarque. Vous envoyez maintenant Tic par SMS au 3044. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Manu, 22 ans, à Valette dans le 44. Bonjour Manu. Salut toute l'équipe. T'habites dans la ville de naissance de Christina. C'est ça, j'habite juste à côté. Ouais. Ah, Valette. Valette, la capitale du Muscadet.

until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Now I'm back where I belong. No matter where I'm from, it's been. La suite du son Dance Floor, c'est avec Ellie Goulding que ça se passe sur Fun Radio. Merci de vous être branchés ici, ça fait plaisir. On est en mode Happy Hour jusqu'à 20h. Moi, c'est Audrey. Il y a Fab présent. Qui est là. Il y a Sandro aussi. Il hey. Y a le kéké du standard qui, je ne sais pas où il est. En fait, aux toilettes. Il est en train de draguer les stagiaires, moi, je vous le dis. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, il nous a dit tout à l'heure, je pars aux chiottes et qu'il est toujours pas revenu. Donc, je crois que le monsieur est une gastro-entérite. C'est la paella d'hier qui passe pas bien, je pense. Bon appétit si vous passez à table. Hein, ça fait plaisir. Bon, on va sur le tic-tac-boom comme promis maintenant. Vous le savez, peut-être que vous l'avez jamais entendu d'ailleurs. En gros, le tic-tac-boom, c'est simple. Il y a une liste de mots. Et Fab et Sandro vont essayer d'en faire deviner un maximum. On verra qui va gagner la manche puisque pour le moment, c'est quand même Fab qui est en tête. Sandro rattrape tout doucement retard. Il arrive doucement mais sûrement. Alors, on a Erwin qui vient de tourner, qui va jouer avec nous aujourd'hui. Bonjour Erwin. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien, vous ? Eh ben nickel. Erwin, tu as le choix. Tu veux faire équipe avec qui ? Avec Sandro ou Fab ? Avec Fab. Tiens, c'est bizarre. Je pense que non, personne. Ça va. En fait, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues au football à l'école, tu vois, tu fais toujours des équipes et il y en a toujours un qui est pas choisi. Ouais, c'est toujours moi. Mais sinon, un jour, je vais jouer tout seul aussi, hein. Ce sera plus simple. Hein. Ah bah peut-être que tu seras bon. Tu risquerais de perdre. Bon, alors, Erwin, tu vas devoir affronter de l'autre côté Thibaut qui vient de Forêt. Bonjour Thibaut. Bonjour. Oh, quelle grosse voix. Ça va Thibaut? Ouais, ça va et toi? Ah bah ouais, et t'as l'air calme d'ouf! Et t'es en exam ou quoi? Non, j'ai pris une petite salle de réunion sur le côté pour pas qu'on voit que je travaille pas là. Ah d'accord! Le gars il est au taf et il joue au tic-tac-boom. Et franchement, t'es notre roi de la journée, Thibaut, t'as bien raison. Bah du coup, Thibaut, tu fais équipe avec Sandro. T'es pas dans la merde. On va commencer avec qui commence? Fab ou Sandro? Bah Fab, allez, c'est bon, en fait, je pose pas la question. C'est Fab qui commence avec Erwin. Erwin, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allez, on y va. 3, 2, 3 quarts, 2 et demi, 1, c'est parti. Moi la feuille. Ah oh, merde. On en porte pendant le carnaval sur le visage. Du maquillage. Oui, ou un. Moi je sais. Masque. Bravo. Ouais. Tu en as sur le bord de la route et ça, c'est dans une expression, on dit on fait un tatata de grève. Piqué. Bravo. C'est vite. Un animal vénéneux qui a une dent pointue, il fait. Mais vite. Serpent. Oui. Parfait. Ouais. Parfait. Attention, ça ne fait que 3 points pour l'équipe de Fab. J'ai mal démarré. Eh ouais. Là, je pense que Sandro peut faire mieux. Ouais, je le sens bien, moi. Moi, je sens que même Thibaut là, il va faire mieux. Hein, Thibaut. Thibaut, d'accord. T'es au taquet là. J'espère. Bon, alors attention. On y retourne, Thibaut. Donne tout ce que t'as. 3, 2, 1. C'est parti. Alors Thibaut, on en a normalement une et on est souvent amoureux d'elle. Un zizi. Une femme. Parfait. Ouais. Il y a, comment dire, il y a un jeu télévisé qui s'appelle comme ça. C'est Tatatam et des lettres. Ah, c'est rien, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quoi? Je sais pas, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas. Non, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Des chiffres, oui, c'est ça. Voilà, c'est parfait. Bon, vite, vite, vite. Harry Potter, c'est quoi? C'est un sorcier.

Bon après-midi sur Fun Radio, ça c'est tout Jamo que je vous ai calé côté son dance floor. Ça c'est bien pour se mettre dans l'ambiance du week-end. C'est parti, c'est vendredi sur Fun Radio. Encore un petit effort et après vous serez au week-end. Cool. L'horoscope sur Fun Radio. Ouais, juste avant de vous expliquer comment faire pour repartir avec vos places direction Walibi, on va se faire l'horoscope et on va vous dire si vous êtes quelqu'un, comment dire, de jaloux. Genre, tu vois, non, le gars possessif. Un peu comme dans le sketch de Gad Elmaleh où tu sors de ta douche et qui dit mais t'étais où ? Voilà. Il y a des mecs, hein, il y a des meufs comme ça qui sont super jaloux. On va voir ça, les béliers. Alors, non, on peut pas dire que vous soyez quelqu'un de jaloux. Si vous faites suivre votre petite amie dans la rue, c'est juste pour être sûr qu'elle se perd pas. Et les taureaux. Vous n'êtes pas quelqu'un de jalouse, non, non, vous êtes malade, vous avez fait greffer la même puce électronique que votre chien, votre petite amie, juste pour le retrouver plus facilement. Ça serait trop génial que ça existe. C'est interdit. Non, mais moi, il y a des applications qui existent. Hein, jure ? Où tu peux suivre tes amis et tous tes proches. Hey, tu me montreras comment on fait ? Sur iPhone et sur tous les autres. Ça va smartphones. Être mon nouveau jeu préféré. Bon, allez, les Gémeaux. Vous n'êtes absolument pas jaloux, que du contraire, vous ne demandez pas mieux que quelqu'un vienne enfin vous débarrasser de votre petite amie. Essayez secondemain.be. Oh non, c'est horrible. Les cancers. Votre jalousie a fait fuir plus d'une de vos petites amies. C'est pour ça que maintenant vous avez décidé de les attacher dans votre cave. Oula, non, ça c'est pas drôle, en fait, je viens de réfléchir. Les lions. Si la jalousie était un sport, vous seriez certainement triple médaille d'or aux Jeux Olympiques, toutes catégories confondues. Et les vierges. Vous êtes jalousie niveau je fais des cris sur des garçons alors que je suis même pas avec eux. Balance. Vous jaloux, le mot est faible, vous êtes tellement jaloux que ça pourrait être votre signe astrologique. Vous êtes jaloux, ascendant espion. Scorpion. Vous êtes tellement jalouse que même la maman de votre copain n'a plus le droit de s'approcher de lui à moins de 20 mètres. Il faut se méfier des fois des mamans. Ouais, hein. Surtout des ch'tis. Il y a déjà eu des trucs, hein, c'est vrai. Hein. Les sagittaires. Prenez un dictionnaire, allez à la lettre J, regardez le mot jalousie. Oh tiens, il y a votre photo juste à côté. J'adore la voix qui prend. Enfin, prenez un dictionnaire, allez à la lettre J. Oh là là. Effets spéciaux. Capricorne. Vous avez trouvé la solution à votre jalousie. Vous ne sortez qu'avec des moches, comme ça vous êtes sûr qu'on vous les pique pas. Verseau. Vous n'êtes absolument pas jaloux. La preuve, votre enfant ressemble beaucoup plus au voisin qu'à votre copain. Et enfin, les poissons. Il vous manque quelque chose d'essentiel pour être jaloux. Un petit copain. Ah bah ça, tu m'étonnes, c'est pas pratique sinon. Hein. Bon, allez, dans un instant, on va vous filer des places direction Walibi. Vous savez, ils ont lancé une nouvelle attraction de la mort qui tue. Pulsar. Yeah. Voilà. Ah. Oh, ça fait peur. Hey, c'est trash comme truc, hein. Moi j'irai pas, hein. T'as failli m'avoir là mais... Bah, en gros ouais, c'est vrai que c'est quand même intense. On a eu la chance de tester l'attraction là avec Fun Radio. En gros t'es dans une nacelle. Jusque là tout va bien, t'es tranquillou machin. Y a pas de looping donc tu dis ok c'est cool. Non mais à quel moment t'es tranquillou à Walibi? Ouais mais non, il y a des attractions sympas. Il y a les petites voitures, hein. Y a les petites voitures. Moi ce que j'aime bien c'est la coccinelle, je sais plus si ça existe encore. La coccinelle? Ouais, moi j'adorais faire ça. C'est quand dans les années 60 ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi ce que je kiffais c'était le petit train où t'avais le village de Walibi. Ça c'était génial. Oui. Ouais, bah du coup ça n'a rien à voir avec ça. C'est aussi un petit train, mais c'est pas une chose. C'est un petit train qui va vachement plus vite, c'est-à-dire que vous êtes propulsé en avant et en arrière, mais à une vitesse de ouf, sérieux. Ça fait grimper vos pulsations. Si vous voulez aller vivre cette expérience aussi, c'est possible avec Fun Radio. Il faut juste envoyer un petit message. Vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 et on fera un tirage au sort juste avant 18h, c'est promis. Et puis là, côté son dance floor, c'est le son de tout Jamo qui débarque sur Fun. Yeah. that low. Sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. Et ouais, même le vendredi, on bouge pas d'ici. Il y aura le son de Face featuring Afrojack dans un instant avec Hey sur Fun Radio. Et puis on vous a dit comment faire pour essayer de repartir avec vos places pour aller à Walibi. Hein. Ça vous a fait rêver, hein, la nouvelle attraction de Pulsar. Vous avez été nombreux à envoyer un petit message pour essayer de repartir avec vos places. Bah c'est parti. On va faire sonner chez quelqu'un qui a envoyé Pulsar par SMS au 6322. Et si ça décroche, le petit chansard, il va pouvoir aller dans la nouvelle attraction. Ouais, il va se faire peur. Ouh, folie. Sérieux, quand j'ai vu la tête des gens qui sortaient de l'attraction, je me dis que quand même. Non, c'est quoi, ils ont vu ta tête sortir de l'attraction. Non, mais en plus c'était mouillé hein, dans l'attraction parce que c'est sur le lac de Walibi, c'est ça qui coule. Mais allô. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Asdin. Comment? Asdin, A-Z-E-D-I-N-E. Et les chipmunks vont bien. Non. N'importe quoi, c'est Alvin et les chipmunks déjà. Et c'est pas Alvin le monsieur? Non, c'est Aldin, c'est ça. Ah pardon. Non. Attends, vas-y, répète ton prénom. Je vais appeler comme ça, ça sera facile. Vas-y. Donc, A-Z-E-D-I-N-E. Ah ! D'accord. Ok, Az, on va t'appeler Zaz. Ouais, on va t'appeler Zaz, c'est bien ça. Bon, hey, t'as envoyé un petit message pour essayer de repartir avec tes places pour aller à Walibi, il paraît. Tout à fait. Genre, ouais. Ça te ferait plaisir d'y aller. Ah, bien sûr, hein, sur mes enfants. Ah ah, donc tu iras avec tes petits bouts, ils ont quel âge? Moi aussi, hein, mais mes enfants aussi, bah. Ils ont quel âge, tes petits bouts? J'en ai un 2 ans et un de 5. Ah oui, bah alors. 2 ans, c'est un peu jeune quand même. Hein. Non, mais il y a des trucs à Walibi pour les enfants aussi. Ouais, mais tu as 5 ans, il est toujours là. Je vais aller à Walibi, je vais aller à Walibi. Je vais aller à Walibi, je vais le mettre dans la nouvelle attraction et je vais le perdre. Ça sera génial. Parce que, hey, tu sais quoi? C'est ouais, gagné! Bravo, tu repars avec tes places pour aller à Walibi, c'est gagné. Hop, badaboum. Oh, merci bien. Ah, c'est bah, gentil. Je te fais des gros bisous. En tout cas, tu raccroches pas, on va prendre toutes tes coordonnées, d'accord? Ok, merci. Bon après-midi. Si vous aussi, vous voulez repartir. Ah non, on en a plus en fait. Comment j'allais ça? Bah non, vendredi. Fin de semaine. Oh là là. Ah bah non. Non, mais t'es radine à un moment donné, vas-y. On a plus du tout de place. Bah j'ai tout donné. Allez. Bah j'ai tout donné, allez, mais fouille, regardez pas comme ça. Fouille dans une poche, un truc, j'en sais rien. Et moi. Je me sens franchement harcelée. Non, mais à un moment donné, à chaque vendredi, tu fais genre, ouais, on a plus de place. Et t'en gardes toujours deux. Peut-être. Allez. Ah, t'as mis un truc qui traîne là, allez. Ouais, j'ai regarde mon string qui traîne là-bas, va voir. Pourquoi? Je trouve ça un string, elle a dit string. Non, ouais, c'est vrai. En fait, j'avoue, j'ai gardé deux trucs. Ah. Et pas des places, j'ai gardé des Golden Pass. Qu'est-ce que c'est? Ah, madame, excuse-nous, on a des Golden Pass maintenant. C'est pour l'équipe? Bah non. Ah. C'est pour moi. T'as vu non, comment elle est, Fab? Elle partage même pas avec l'équipe. Et puis elle dit, ouais, on est la famille, machin. Non, non. Ouais. Ça va. Si, ça si, va. On est une famille, mais c'est les auditeurs qui sont une famille. Voilà, vous êtes mes cousins que j'ai pas envie de voir un repas de famille, c'est pas pareil. Ok, alors que ouais, bah, nous on n'a pas été adoptés au moins. Bim. Bon, on va faire un truc, ok, comme c'est la fin de la semaine, je veux bien faire un effort. Je veux bien filer mes deux Golden Pass. Donc, non. Les Golden Pass, c'est pas n'importe quoi comme cadeau, c'est des passes qui vous permettent en gros d'aller à Walibi en mode VIP à n'importe quel moment, quand vous voulez et vous ne payez pas. Oh, donc, c'est pas n'importe quoi. On fait ça? On fait ça. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Si vous voulez repartir avec vos Golden Pass, c'est parti. Alors, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. Ça peut tomber à n'importe quel moment dans l'émission, hein, je vous dirai pas. Donc, je m'en fous, vous restez branchés jusqu'à 20h sur Fun Radio. On verra qui sera le grand gagnant de ce cadeau de ouf. Pulsar par SMS au 6322. Et à vous, le Golden Pass et la côté son dance floor, c'est Face et Afrojack. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick. Il y a 50 ans, Auto 5 s'installait en Belgique. Les vieilles cadettes s'en souviennent. Ouais, je faisais du rallye. J'en ai bouffé du pneu Auto 5. Aujourd'hui, Auto 5 est toujours à la pointe de la technologie. Pour fêter ça, nous lançons 50 jours de folie. Avec jusqu'au 7 juillet... un bon d'achat de 60 euros à l'achat de 4 pneus Michelin. Depuis 50 ans... Qui dit Auto, dit Auto 5. Conditions sur auto5.be. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business.

don't you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey, I say. Le son des soirs continue sur Fun Radio avec Willy Williams. C'était Mo. C'est beau ce qu'il dit celui-là. Et ça fait mal. Ah là là, encore un qui a eu le cœur brisé. C'est triste hein, ça, franchement. Wow. Hey, vous savez quoi, même moi j'ai eu le cœur brisé cette semaine. Ah bon? Ouais, je sais, vous avez eu l'info et tout, on en a parlé cette semaine sur Fun Radio. Alf, vous vous souvenez de Alf? Ouais. Enfin, non, en fait, ne fais pas semblant, Sandro, parce que Sandro tout à l'heure m'a dit. Mais je connais, c'est quoi Alf, sérieusement? Bah, en gros, on parlait de Alf parce qu'on savait pas qu'il y avait un nain. Enfin, en tout cas, moi je le savais pas. Mais dans le. Moi je l'ai appris quoi, aussi. Quoi, il y avait pas partout l'info? Non, en fait, en gros, Alf, parce que toi t'as pas connu, c'est horrible, je me prends ouais, ce coup de vieux. Ouais, mais Sandro, il est né il y a 3 semaines aussi, il peut pas connaître. Mais c'est quoi Alf? Alf, c'était un extraterrestre. Il vient de la planète Melmac. Voilà. Il a débarqué sur Terre. Oh, mais en gros, c'était une marionnette et ouais. C'était une série comme ça. Il habitait dans une famille d'humains. Il est tout seul parce que c'est le seul extraterrestre qui s'est perdu. Oh, ouais. Mais c'était trop drôle quoi. Il était fan de chats. Il voulait manger le chat de la famille. Ouais, le petit chat, le chat dans le four. Il répétait ça tout le temps. C'était trop génial. D'accord, ok. Et du coup, on a appris qu'il y avait un nain dans la marionnette. Moi, je croyais que c'était. Je sais pas moi. Je sais pas si c'est un nain. C'est plus petit, je crois, encore qu'un nain. Le monsieur. Non, le monsieur, il faisait 83 cm. C'est tout ? 83. 83 cm. C'était Rocco Siffredi. Non, mais sérieusement, je savais pas que c'était le cas. Mais du coup, ça m'a rappelé de ses souvenirs. Alf, quoi. Franchement, vous avez connu oh, ça ? La musique. Dites-moi si vous l'avez connu, Alf 3044, pour vos messages. Bah, parce que, comme Sandro me dit que lui, ça lui dit rien du tout. Ah, rien du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis devenue trop vieille pour Fun Radio. Moi, il faut que je me barre. Je suis en train de voir l'image et ouais, ça me dit quelque chose. Mais enfin. De visage. Ah, bah, c'est déjà ça. Bah, ouais. Non, mais sérieux, par contre, quand vous étiez plus jeune, c'était quoi votre personnage préféré ? Genre celui que vous kiffiez grave ? À ton avis? Bah je sais pas encore un truc avec des super-héros? Bah oui, du genre, le seul, l'unique C'est qui? Doit-on le citer? Le Chevalier Noir, Batman. Oh là là, Monsieur Batman. Mais ça c'est un dessin animé. Mais y'avait pas un personnage que tu kiffais? Tu parles dans une série ouais, n'importe, avec des vrais. Ah, autre chose que Batman, il y en a marre de l'entendre celui-là. Bah, moi c'était le prince de Bel Air quoi. Ouais, nothing to do, they're gonna be there. What the fuck? Plus jamais tu massacres le générique de ma série d'enfance. Tu es animatrice radio, pas chanteuse. Moi c'était Maya l'abeille. Ah, c'est une blague. Non, Maya. Et alors il y avait même le jeu dans la cour de récré. Maya l'abeille. Oui, Winnie l'ourson. Tac, tac, tac. Attention, tatata, au danger. Mais je comprends pourquoi les garçons ils aiment pas les filles au début. T'as jamais joué à Maya l'abeille dans la cour de récré? Non. Ok, ça y est, encore une fois, je me sens un petit peu seule au monde. Bon, et dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, c'était quoi votre personnage préféré? Celui qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune, à l'école ou ailleurs, hein. Allez-y, on attend vos messages, 3044. Et pendant ce temps-là, on se fait le déprimé de service. C'est Willy William avec tes mots sur Fun Radio. Tes mots donnent, tes mots prennent, les plus courts. Me retiennent, tes mots blessent, tes mots de passe. Ils s'écrivent, puis s'effacent. Tes mots que j'aime, ceux que je déteste. Certes que tu glisses, rien que pour me tester. Tes mots du début et ceux de la fin. Les plus vicieux et les plus malins. Ils courent, le bruit de ces mots. Ils courent, ambigu sont ces échos. Son passage et prend nos faiblesses en otage. Alors, c'est la simples mots sont plus forts que les coups. Vicieux sont les idées qui te poussent à bout. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Celui qui te veut du bien peut aussi te détruire. J'ai vu des gens péter un plan, tourner en rond parce que fatigués de penser, ils finissent comme des moutons. Des mots à outrance te donneront mal à la tête. L'ironie voudra que le silence te rende bête. Doté de paroles, je pense qu'on n'est pas prêt. Tes propres mots derrière un écran, c'est ça le progrès. De simples mots peuvent changer le cours de ton histoire. Un discours bien manipulé pour plus de pouvoir. Il court, il court, il court. Le bruit de la haine et le bruit de l'amour. La force des mots ravage tout sur son passage et met nos faiblesses en otage. C'est la puissance de tes mots. La puissance de tes mains. Soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Il est 18h sur Fun Radio, il y a Eleonore qui nous dit « Moi c'était Babar, mon personnage préféré, tu m'étonnes !» Le roi des éléphants, c'était génial ça. Parce qu'il avait une grosse... Il avait une grosse cravate, ça je me souviens, il avait un costume. C'était cravate. C'était le seul éléphant qui avait un costume vert, cravate. Ben ouais, vert voilà, avec un truc blanc, oui juste. Bon et vous, c'était lequel, votre personnage préféré quand vous étiez plus jeune? 30-44 pour vos messages et pendant ce temps-là, on se fait les infos avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Je me rends compte que j'ai pas encore parlé de grève cette semaine, pas beaucoup en tout cas, et ça c'est pas normal, hein, vu que le sujet reste encore bien d'actualité. C'est-à-dire, figurez-vous qu'en 2015, on a comptabilisé en Belgique presque 4 fois moins de jours de grève qu'en 2014, l'année où le gouvernement Michel est arrivé au pouvoir, mais en ce qui concerne 2016, j'ai un petit peu l'impression qu'on risque de battre un record, hein. Faudra attendre quelques mois pour le savoir. Ce qui n'étonnera pas grand monde, j'imagine, c'est d'apprendre que l'an dernier, la Wallonie a enregistré 2 fois plus de jours de grève que le reste du pays. Alors, petit message à l'adresse de la NVA, pas la peine d'en rajouter, un bedingue, parce que si vous le faites, bah, quelqu'un pourra vous rétorquer qu'en 2014, la grève s'est principalement concentrée en Flandre, avec 100 000 jours de plus qu'en Wallonie. Alors, pour ce qui est des grèves du jour, ben, on a encore certaines prisons, mais le boulot, il reprendra incessamment sous peu. À l'aéroport de Zaventem, ça faisait longtemps, les bagagistes de Swissport ont arrêté de bosser ce matin. Ils estiment ne pas être assez nombreux et demandent donc à leur direction de nouveaux engagements, histoire de rendre leur boulot moins pénible, refrain archi connu. Et si on sait que Swissport est chargé de la manutention de 2/3 des vols à Brussels Airport, ben on comprend que cette grève pose quelques petits problèmes. Pas de vol annulé, cela dit, mais des retards, notamment chez Brussels Airlines. Retard d'une demi-heure à une heure en moyenne. Et puis nous avons également aujourd'hui les services du Forem, perturbés par une action de grève qu'a menée la FGTB, pour une histoire de pension cette fois. Une action qui s'est inscrite dans le cadre des mouvements qui touchent les services publics. Le syndicat socialiste a installé des piquets de grève devant une centaine de sites en Wallonie. Une grève qui a donc touché ceux qui n'ont pas la possibilité de la faire, vu qu'ils n'ont pas de boulot. Il y a donc quand même qu'à la SNCB, par contre, ça s'arrange, alors que les cheminots menaçaient de débrayer à nouveau. Un accord a été trouvé avec la direction sur ces fameux jours de récup, mais non sans concession de la part des syndicats. Pas de grève par contre en Syrie, ou pour utiliser une terminologie plus adéquate, pas de cessez-le-feu, ou alors des trêves qui ne durent jamais plus de quelques heures, comme à Alep, dans le nord du pays, où les bombardements meurtriers ont repris. Alep, dont les habitants sont victimes depuis trop longtemps des frappes du régime, ou des insurgés d'ailleurs, puisque la ville est divisée entre les quartiers aux mains du gouvernement et ceux où les rebelles sont installés. À noter aussi que d'après un responsable de la défense américain, des avions russes ont mené une série de frappes dans le sud de la Syrie contre des rebelles qui avaient reçu pour certains le soutien des États-Unis, histoire de bien entretenir le climat de guerre froide entre Moscou et Washington. Pas bon, guerre froide, allez dire ça aux civils syriens. grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Il y a Lucas qui nous dit au 3044, mon héros restera à tout jamais Donald Duck. C'est qui ça? Ah oui, c'est... Ah mais Donald, le pote de Mickey. Oh la conne, je croyais que c'était un... Il parle comme ça, hein. T'as des problèmes de digestion? Non. Plus jamais tu fais ça. Ça c'est Donald avec un appareil dentaire. Mais il parle pas comme ça, Donald, hein, sérieusement. Allez, on attend vos petits messages 3044. Dites-moi, c'était quoi votre personnage préféré? On en parle juste après la météo, Carlo. Demain, pas de changement à signaler. Dimanche, par contre, il devrait faire meilleur avec le retour déjà d'un temps sec. C'est déjà pas mal, même si les nuages devraient être assez nombreux toujours. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de David Guetta. Salut. Fun. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. c'est bon là ce qui arrive sur Fun Radio. Ça, c'est une musique du week-end. Martin Garrix qui arrive dans quelques petites minutes. Je vous ai calé aussi le son de Kelly Brown pour se faire un petit souvenir juste avant. Et on a Antonio qui est là avec nous dans l'émission aujourd'hui. Ça va Antonio? Bonjour, ça va et vous? Ouais, ça va. Et alors, il se la pète parce qu'il a gagné son match face à la Belgique? Il est peut-être espagnol, ouais. Antonio. Ah, Antonio. Antonio, t'es quoi? T'es italien ou t'es espagnol? C'est italien, ça. Les deux. Ah bah c'est un problème. Ah, les deux. Bon Antonio, on parle des personnages qu'on kiffait quand on était plus jeune. C'était lequel le tien? Ben moi c'est Maestro de Il était une fois la vie. Hein? Je sais pas si vous voyez. Attends, pas du tout. Il était une fois la vie, ça je vois très bien le dessin animé. C'était le truc avec les globules rouges qui parlaient. Ah, qui rentre dans ta bouche et tout là. Non, ça c'était non, un ça, bus. C'est autre chose. Ça, c'est sur c'est... Canal Plus le samedi soir. Non Fab. Mais attends Maestro, je vois pas c'est lequel ça Antonio. Ben, en fait c'est le vieux barbu qui expliquait, je pense. Voilà, oui. Mais oui, ah bon, oui. Il y avait même la même version avec Il était une fois je crois, mais tout court. Genre que sur l'histoire, pas dans le ventre quoi. Mais c'est ça, vrai. Ils sont dans le ventre, ils sont dans le corps humain. Oui mais c'est pas le bus magique hein, parce qu'il y avait aussi le bus qui rentrait dans la voilà. bouche. Mais c'est pas ça, ça c'est le truc où tu vois les. Vous avez pris des trucs ou vous avez pas partagé. Tu as jamais vu ça Fab. C'est pas le bus magique qui rentre dans la bouche. T'as jamais connu ça? Mais tu te prends un bus dans la bouche, t'as plus de tête les gars. Mais enfin, mais non, il y avait un bus avec une classe qui allait comme ça dans le corps humain et t'apprenais des choses avec eux, c'était trop génial. Et il était une fois la vie quand même. Nous allez. Voici la vie, la belle vie qui nous donne de bâton d'imbini. Nanana. Moi je croyais que le truc, la vie, c'est, le générique c'était la vie, la vie, ah, la vie, ça, la vie, la vie, la vie. Ah, je sais plus maintenant. Et moi je changeais à ce moment-là. D'accord. Bah, je sais plus, Antonio, c'était quoi encore la musique de Ici, il était une fois à la vie? Oh, ça je m'en rappelle, mais je crois que c'est le gars qui a chanté, là, je crois qu'il avait raison. C'est Fab. Le gars, c'est Fab, tu peux m'appeler Fab. Enchanté, Fab. Ouais, j'adore. Antonio, merci, ça nous rappelle des souvenirs, en tout cas. De rien. Je te fais des gros bisous, passe un bon week-end. Bisous. Salut, revoir, bisous, bisous. Et qu'est-ce qu'on nous dit là au 3044? Il y a Juanita. Voici. Juanita qui nous dit, étant fan du monde de Disney, ce serait et restera pour toujours Mickey. Oh. Ah oui. Mickey Mouse. Et je trouve bien triste d'ailleurs quand tu vas à Disneyland Paris, je trouve que Mickey disparaît tout petit. Hein? Tu m'as compris ou pas? Non. T'as voulu dire petit à petit, toi. C'est ça, voilà. Ouais, mais c'est trop compliqué, Sandro. Te lance pas dans des mots trop longs. Tu sais bien. J'ai pas fait école longtemps, donc du coup, je voulais dire petit à petit, mais c'est pas sorti. Non, mais c'est bien. Sandro, il tente des choses. Quand tu vas à Disney, je trouve que Mickey, il disparaît de plus. J'arrive pas avec petit à petit. C'est quoi ton problème, toi? Attends, on va essayer. Alors, on va aider Sandro. On se donne la main tous les trois. Ça va aller. Sandro, petit à petit. Petit, fais ça, on va t'entraîner là. Voilà. C'est triste quand même. Bon, attends, on y va. Petit. Petit. Ta. Petit. Petit. Vas-y, d'une fois. Petit, pas de petit. Allez, hein, Sandro. Vas-y. Petit à petit. Petit à petit. Ouais, bravo. Donc, merci. Bravo. Mais il faut remettre la phrase dans le contexte. Non, donc, on va arrêter de faire ça. C'est bon, on veut plus connaître ton histoire. Laisse tomber. On va sur le son de Kelly Brown maintenant sur Fun Radio comme promis. Il y aura aussi Martin Garrix. Et puis dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, c'était quoi votre personnage préféré? Moi, c'était Alf et Maya l'abeille. Fab, c'était Batman. Le prince de Bel Air. Et le prince de Bel Air. Bah, dites-moi, vous, c'était lequel? 3044 pour vos messages. On les lit juste après. This ain't gonna be easy. Wanna see me lose my breath, they wanna hear me more. Better quand vous écoutez Martin Garrix. Vous êtes sur Fun Radio. Hey, what's up? It's Martin Garrix on Fun Radio. This is my new track, Now That I Found You, on Fun Radio. La radio officielle de Martin Garrix. C'est Fun Radio. Fun Radio is my favorite radio, the song dance floor. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. Fun Radio, on va se mettre dans l'ambiance avec le son de Pep & Wesh que je vous ai calé pour la suite. Il y aura aussi Unique dans un instant, c'est encore une nouveauté Fun Radio. C'est Merci qui arrive et puis on a Antoine qui est là. Antoine, il vient de Arlon. Ça va Antoine ? Ça va très bien et vous ? Ah bah super. Antoine, tu nous envoyais un petit message au 3044 parce qu'on parle des personnages qu'on kiffait quand on était plus jeune. Tout ça parce que ça nous a rappelé des souvenirs avec Alf et le fait qu'il a disparu. Oh. C'est tellement triste. Antoine, c'était quoi toi ton personnage préféré ? Moi, un personnage qui m'a bien fait rire et qui me fait toujours rire encore, c'est le Marsupilami. Avec sa grande queue. Pardon. Je ne pas prendre ça au second degré, non, mais oui. Et désolé, mais il n'y a que vous, les pervers ici. Moi, je parle de la queue du Marsupilami. Surtout quand elle s'attachait dans l'arbre et tout, c'était drôle. C'était son mode de déplacement. Non, c'est vrai, ouais, ça se terminait en point, il frappait les gens. Ouais, c'était génial ça. Il y avait toujours le chasseur tout, méchant. Il faisait tout avec ça. Hein. Mais ouais, il y avait le chasseur qui voulait toujours essayer de le choper là. Vous souvenez de lui ? Oui, mais je sais plus son prénom par contre. Ah, je sais plus non évidemment. Plus. Mais de quoi vous parlez ? Mais de quel Marsupilami vous parlez ? Bah, c'est le même. Non, pourquoi c'est... on se comprend mais moi, plus le seul Marsupilami que je connais, c'est celui qui a été trouvé par Spirou et Fantasio. Hein ? Hein ? C'est dans les aventures de Spirou et Fantasio. Il découvre la truc du marsupilami. Alors c'est il probable, le ramène. Mais marsupilami non. Après a fait sa vie tout seul. Tu vois, il a fait un film. Ah, il a eu son propre talk show. Voilà, oh, dessin animé. Okay. Tout ça. Ça a bien marché. Il a fait la radio, il a fait de la télé, il a écrit un livre. Il y a eu le marsupilami jaune et puis il y avait même le marsupilami noir. Son ennemi, mais qui au fait n'est pas vraiment méchant, il est gentil. Voilà, et après il a eu des bébés marsupilami aussi dans un dessin animé. Et il y a un chasseur qui veut prouver que le marsupilami existe à tout prix, mais pour ça il faut le choper. Il y arrive jamais. D'accord, c'est pas Zantafio ? Non, c'est pas ça, non, laisse pas tomber. Tu sais quoi, c'est un truc de jeune, c'est que t'as pas connu la nouvelle version. Antoine, merci en tout cas, t'as vu, t'as foutu le bordel dans l'équipe. Je te fais des gros bisous, Antoine, en tout cas. Gros bisous, tu reviens quand tu veux. Merci, au revoir. Salut, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? 3044, Paul qui dit quand j'étais petit, j'avais plusieurs héros, mais Bugs Bunny par exemple. Oh ouais. Ah oui, j'adorais. Avec les Looney Tunes. Comment c'était encore la musique ? Bugs Bunny, il y avait une musique à Bugs Bunny ? Mais les Looney Tunes. Oh, c'est un truc qui tape sur le système, mais qui est hyper. Non, attends, c'était quoi ? Non, je quitterai pas cette émission tant qu'on trouve pas. Sandro, essaye de le trouver. Je cherche. Allez, et puis à chaque fois, à la fin, il grignotait sa carotte, il fait quoi de neuf, docteur ? Ah, la musique. Et c'était quoi la musique de ces satanés Looney Tunes ? Et il y avait un truc aussi. Looney Tunes ? Non, c'est pas ça. On n'y arrivera jamais. Je pense peut-être avoir trouvé quelque chose sur YouTube. Attention ! Je me suis emballé là. Hein ? D'accord. Non, c'est pas ça. Non. Oh, essaye de la trouver. Je vais essayer de trouver ça. On va écouter le son maintenant de Pep & Rush comme promis. Il y aura Unique aussi juste après. Et ben, c'est le son des Looney Tunes sur Fun Radio qui arrive. Si on le trouve, c'est pas gagné quand même. Tous les week-ends, 7h, 10h. Réveillez-vous avec Bruno dans la radio sur Fun Radio. Vous avez un téléphone, vous pouvez être piégé par Vacher. Bonjour, Speedy Bordeaux, t'as votre service ? Oui, je suis bien chez Speedy. Oui, c'est sur quoi comme véhicule ? C'est une Audi. Oui, le mieux, il faut m'appeler avec l'immatriculation, monsieur. Ok, j'ai compris. Et à partir de là, je pourrais vous établir un devis pour l'entretien. Ah, stop ! Faut le dire en chantant, par contre, monsieur. Vous allez me faire... Un devis. Le week-end, 7h-10h, c'est Bruno qui vous sort du lit sur Fun Radio. Vivez l'Euro 2016 avec le soir. À l'occasion du match Belgique-Irlande, recevez une bouteille de la légendaire bière irlandaise et levez votre verre à la santé des Belges. Une bouteille de bière gratuite, c'est ce samedi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ah, enfin les vacances. Oui, en même temps, je pourrais très bien me choper un virus. On verra. Oui, enfin, si je pouvais éviter la touriste, hein. Bon, oui, c'est vrai, ça peut coûter très cher, un problème de santé en vacances. Mais avec l'assistance Voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7€ par mois. Et s'il vous arrive quand même quelque chose, Touring vous rembourse tous vos frais médicaux, sans exception. Allez, on relance la musique. Plus d'infos sur touring.be. Offre soumise à condition. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick ? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger ? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux ? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick ! Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Soldier, baby. Yeah, I know you built like that. Gun it like a holster, baby. Sure to say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in, so now we'll let it all go free. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Now she don't got slippin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rock, rock, rock, rock. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Once she don't got slippin' at the dance. Your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air. I wanna see everywhere. You might want to see you might do for the single. Be my way for my people. I know say I'm out to be next level. I wanna see you light up.

passer votre soirée avec nous. Là, c'est le son de Rehab qui arrive dans un instant avec Freak sur Fun Radio. Il y aura aussi Global DJs avec Work. Et j'ai une grande nouvelle pour vous. On parlait des Looney Tunes et on essayait de se souvenir de la musique de ces fameux Looney Tunes avec Bugs Bunny. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que Sandro l'a trouvé. Écoutez ouais ça. Et ouais. Oui. J'adore, ça rappelle de ses souvenirs, mais je kiffais grave. Il y avait aussi un dessin animé dans ce... Parce que les Looney Tunes, c'est ça, il y en avait plein. Et oh, comment elle s'appelait la meuf avec son cochon, là, elle était chiante celle-là. Quoi, c'est pas Peggy? Peggy. Non, c'est dans le Muppet Show. Non, il y avait une fille. Ouais. Elle était toujours avec son cochon, elle disait, viens ici, mon joli cochon, mon petit cochon. Et elle faisait toujours des bisous à son petit cochon. C'est sûr qu'on regardait les mêmes Looney Tunes? Ne me regardez pas comme ça, je me sens... Bienvenue sur Fun Radio. Nos animateurs ont actuellement pris de la drogue. Je m'appelle Fab, je suis le seul à être sain dans le studio. Mais comment elle s'appelait cette meuf? Allez, quoi, sérieux? Oh, elle... Attends, je suis en train de regarder sur Wikipédia. Et toujours avait... le petit cochon, il avait peur. Parce il y avait Daffy Duck? Non, ça c'est pas le ça. Canard. Ça c'est le canard, ça c'est le canard noir. Titi, non. Non. Buddy, Charlie Lecoq? Non. Non. C'est pas ça. C'est peut-être ma mère, parce que quand j'étais petit, elle lui disait toujours: viens ici, mon petit cochon. Non, mais c'est pas ça du coup, mais il y avait une petite fille, je me souviens, mais je suis pas conne quand même. Elle courait toujours après son cochon. Arrête, non, mais c'est comme avec l'autre truc là. Nanana, nanana, nanana. On est dit. Non, ça, c'est la musique à Disney, c'est dans les petits bateaux là. Non. Il y avait un dessin animé, je me souviens, avec. C'était quoi comme animal? Ils étaient trois. Ouais. Et je me souviens, à chaque fois, ils étaient un peu cons, ils étaient chiants. Vous avez pris un truc, vous me le donnez tout de suite aussi, je vais être comme vous, parce que là, moi, je suis perdu, je vous suis plus. Exclu. Allez, comment? Si vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon, on peut rester avec ça jusqu'à 20h, hein, je vous préviens. Il y avait un personnage, ils étaient trois, et ils chantaient toujours: on est les. On est mani. Mais c'était qui? Ok, quelqu'un appelle le 911, s'il vous plaît. Ça me dit rien du tout. Sérieux, si vous voyez de quoi je parle de l'autre côté de la radio, manifestez-vous, parce que là, je me sens un petit peu seule dans le studio. 30-44 pour vos messages et pour donc vous venez à ma rescousse. On se fait le son de Rehab sur Fun Radio avec Freak. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Réservez maintenant votre last minute Jetair et profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur vos vacances d'été en juillet ou en août. Jetair, discover your smile. Avoir une nouvelle sœur ou un nouveau frère venu du bout du monde pendant un an te tente? YFU Bruxelles Wallonie recherche des familles d'accueil pour des jeunes de 15 à 18 ans venant des quatre coins du monde. Tu pourras découvrir une nouvelle culture, t'ouvrir sur le monde, lui apprendre comment tu vis ici. Ouvrez-vous au monde. Make the world your home. Contacte sans plus tarder YFU Bruxelles Wallonie. Plus d'infos, www.yfu-belgique.be 04 223 76 68. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Ils ne feront pas avancer la recherche médicale. Ils ne trouveront certainement pas la solution du réchauffement climatique. Mais ils vont tout faire pour vous faire marrer pendant 3 heures. Retrouvez Audrey, Fab et Sandro tous les jours dans l'Happy Hour. 17h-20h sur Fun Radio. Girl, I got a freaking secret.

C'est le beau Drake qui arrive sur Fun Radio avec One Dance. Je vous ai calé aussi le son de Sigala, c'est bien ça, c'est Youdou sur Fun Radio. Et heureusement, je me sens un petit peu moins seule là maintenant dans le studio parce que j'essayais à tout prix de retrouver ce fameux dessin animé avec les Looney Tunes là. On est né, À part les Looney Tunes, je vois pas du tout. Après, je chante pas bien non plus, donc peut-être vous voyez pas comme ça, mais heureusement, il y a des auditeurs qui voient tout à fait de quoi je parle parce que dans l'équipe, vous m'avez laissé mais un de ces vents de ouf, sérieux. On n'a pas la même culture, tu vois. Eh ben, c'est bien ça le problème. On a Marie qui est là, qui vient de Charleroi. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour à tous, ça va et toi? Ah bah écoute, ça va mieux maintenant que t'es là, hein, je me sens un petit peu moins seule. Bon, il paraît que tu peux m'aider, comment ça s'appelait encore ce dessin animé avec les mananana, je sais plus comment il s'appelait. Les Animaniacs. C'est ça, mais oui, c'est ça, voilà. Enfin, mais je connais les comment les Animaniacs. Ah oui, mais les Animaniacs, comment c'est les Animaniacs, c'est ça, hein? Oui, c'est on est les Animaniacs. Ah ouais, nanana. On est vigilantes. Attends, je vais regarder ça dans la machine. Vous faites partie d'un même mouvement en fait. Les Animaniacs. Ah, c'est trop génial. Ah, c'est ça? Tu l'as trouvé? Attends. Attends, fais voir. Voici les Animaniacs. On a vigilanté un max. On les Animaniacs. Nous c'est Yako et Wako. Je suis ta petite sœur. Pour réguler le sud, on a joué les agitateurs. Comme ça n'a pas beaucoup coupé, ils ont bouclé les Warner. On s'est enfui et nous voici pour vaincre. C'est reparti. On est les Animaniacs. Vous jamais Yako, c'est classe. Wako est super vorax. C'est les jeunes de jeunesse. On est les Animaniacs. Oh Marie, tu viens de me sauver la vie. Mais tu regardais ça quand t'étais petite? Mais ouais, c'est et génial. Et t'as jamais fait de crise d'épilepsie? Mais ça va. Mais t'as vu comment le générique il est? On est les Animaniacs. On dirait que t'as pris du LSD. C'est génial. À tout moment tu veux les buter quoi. Et il y avait aussi les trucs avec les souris là. Comment c'est Minux et Cortex. Les souris. Ah ça y est, vous avez moi, pas je connais que ça. La souris verte à part mais ça. C'était les petits rats de laboratoire. Ils disaient toujours qu'est-ce qu'on va faire Minus aujourd'hui? Tenter de conquérir le monde. Ça me dit quelque chose, ouais. T'as connu ça Marie ou pas? Oh là là. Ouais, moi j'aimais bien les Looney Tunes. Et voilà, encore. Et c'est peut-être parce qu'elle vient de Charleroi aussi hein. Ouais, c'est peut-être ça. En fait, c'était diffusé uniquement sur Charleroi. Mais non, c'est Minus, c'est Cortex. Non, ça c'est connu, Cortex. Mais il faut la laisser toute seule là-dedans, tu vois. Bon, attends, c'était quoi toi ton personnage de l'époque? Parce que comme tu es le plus jeune de l'équipe, vas-y, fais le malinois. Les Barba Papa. Ça c'est vieux, hein, Sandro, t'as pas connu ça. Ma mère regardait ça. J'ai connu les Barba Papa. Oh, c'est pas possible, ma soeur, elle regardait, elle a 10 ans de plus que moi. Mais d'où tu regardais les Barba Papa? Je te promets, je regardais les Barba Papa. Le truc, voici venu les Barba Papa. Non, toi tu fais un mix avec voici venu le temps des rires et des chants des Barba Papa. Non, non, c'est deux chansons différentes. Vas-y, fais-la, c'était comment? Barba Papa. Nanana. On aurait dit un sourd qui parlait. Pourquoi tu parles comme ça toi? Les sourds, si ils nous entendent, t'es con quoi. Ah ben non, ils peuvent pas. Ah ben non, ils peuvent pas. Non. Non mais c'est pas cool Fab, franchement. C'est ça? Ouais. Pour une fois je dois pas m'excuser. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi? C'est un vieux brûle ça. Mais je te promets j'ai connu ça. D'accord. Et après tu viens nous dire à nous qu'on a pris quelque chose. Non mais c'est lui qui regardait ça, hein, c'est pas moi. C'est... Oh, écoute, arrête. Franchement, il m'inquiète le monsieur, ça me stresse. C'est comme aussi il y avait Dame Boucleline, aussi belle Irvine, Dame Boucleline. Mais... Non. Attends, moi je regardais Musclor, moi ça c'était bien. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Ouais, mais va faire un tour. Marie, t'as pas connu Dame Boucleline? Ah non, du coup, voilà, je connais pas du tout. Ah bah c'est reparti. Est-ce que quelqu'un a connu Dame Boucleline, s'il vous plaît? Venez m'aider. Il y avait toujours les méchantes qui voulaient lui piquer une mèche de cheveux. Non, bah laissez tomber. Est-ce que quelqu'un a connu ce dessin animé 3044? Si c'est le cas, venez m'envoyer un petit message et pendant ce temps-là, on se fait Drake sur Fun avec One Dance. European. Découvrez le classement des plus gros tubes dance dans l'Eurodance 25 sur Fun Radio. Chaque dimanche de 18h à 20h, Nico C vous mixe le classement des 25 tubes dance électro qui font bouger toute l'Europe. C'est Eurodance 25. Le classement européen de référence sur Fun Radio. Le son dance floor. Les vacances, ça

dit merci qui ? On dit merci Audrey et son équipe de nous faire marrer tous les jours. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Le son des soirs continue sur Fun Radio avec Sigala, c'est Youdou dans un instant. J'ai une bonne nouvelle quand même, Dame Boucleline existe bien. Malheureusement. C'est pas dans ton imagination ça. Bah non, parce okay. qu'on parlait de ça, si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, en gros on parle des personnages qui nous ont marqués quand on était plus jeunes. Et moi il y avait un truc, c'était Dame Boucleline. Je me souviens c'était une blonde qui était super jolie, trop gentille avec tout le monde. Et il y avait toujours une méchante avec les yeux, enfin les cheveux noirs, qui voulait lui piquer une mèche de cheveux. Comme ça elle aussi elle pouvait être gentille, mais ça marchait pas. T'as trouvé le son Sandro de Dame ouais. Boucleline? Malheureusement j'ai trouvé. Ah ouais vas-y. Dame Boucleline et la mini. Oh ouais. Des enfants et des souris. Dans son château caché dans la forêt. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Dame Boucleline a chez elle des lapins, des hirondelles. Oh là là. On rigole. On dirait la musique pour une publicité de meubles. Hein, mais d'où ça, fait, ça me fait penser que tu pourrais vendre des meubles là-dessus. Et n'oubliez pas notre canapé 3 places aussi en cuir ou en din. Mais comment t'as pas de respect pour Dame Boucleline? Sérieux, je te jure, tu mériterais d'avoir des claques. Et il y a Vincent qui me dit moi, celui que je kiffais, c'était le petit ours brun. Hein? C'était lequel ça? Il y en a eu plusieurs. Hein. Ouais. Ah, je pense savoir. Oui, c'était une famille, je crois. Non? Yogi? Genre... Yogi? Non. Tu sais quoi? On va laisser tomber. On va plutôt écouter Sigala parce que ça part en couille complètement dans cette émission. Et juste après, on va voir qui va repartir avec son Golden Pass. Je vous rappelle qu'on vous file un énorme cadeau. Ça s'est décidé au dernier moment. Vous savez quoi? On l'a même pas demandé au boss si on pouvait le faire. Donc, on est dans la merde. Moi, je vous dis, lundi, on est dans la merde. On s'en fout, on a peur de rien. Si vous voulez repartir avec vos Golden Pass pour aller à Walibi quand vous voulez, en mode vous payez pas, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322, tirage au sort, juste après les infos. Now I got that feeling you without me won't break my heart. Nah, nah, nah. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e diable. Luminus, à votre service. Il est 19h sur Fun Radio. Dans un instant, c'est le son de Rochelle qui arrive. On va savoir aussi qui va repartir avec son Golden Pass, hein, si vous voulez essayer de le choper pour aller à Walibi quand vous voulez, en mode je paye pas. Vous envoyez Pulsar maintenant par SMS au 6322. Enfin, un petit tirage au sort juste après les infos maintenant avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Je vous parlais hier de tous ces mineurs non accompagnés qui tentent de gagner l'Europe depuis des régions du monde où le simple fait de survivre est une gageure. Des mineurs non accompagnés qui seraient de plus en plus nombreux. On ne sait pas vraiment pourquoi, qui pour pouvoir payer les passeurs. Ça serait généralement contraint au travail forcé, voire à la prostitution. Cela dit, leur cauchemar ne s'achève pas forcément une fois qu'ils se retrouvent sur le vieux continent, vu que selon l'UNICEF, pas moins de 10 000 de ces jeunes ont disparu en Europe ces deux dernières années, soit à peu près 1 sur 9. Et encore, ces chiffres concernent les mineurs connus par les autorités, mais il y en a sans doute plus. Et la grande question est évidemment de savoir ce qu'ils deviennent, même que la réponse n'est sans doute pas positive. Un nombre d'entre eux sont probablement embarqués dans des réseaux criminels. Donc là aussi, on pense au travail forcé, à l'exploitation sexuelle ou à toute autre forme d'esclavage moderne. Pour la plateforme Mineurs en Exil, il faudrait mieux informer ces mineurs une fois qu'ils débarquent chez nous et leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas avoir peur des institutions, ce qui est trop souvent le cas. Une aubaine pour les salauds qui vont alors les exploiter. À propos d'exploitation, on va parler d'exploitation agricole, un sujet moins tragique, quoique on sait que le monde paysan ne se porte pas à merveille. Les petites exploitations, en tout cas, ont du mal à survivre, ce qui explique sans doute pourquoi le gouvernement wallon ne les met plus trop à contribution lorsqu'il s'agit de douiller pour les eaux usées. Il faut savoir que selon les normes européennes, à peine 40% des eaux wallonnes en surface ou souterraines sont de bonne qualité. Il y a donc du boulot pour arranger ça. Et récemment, le gouvernement régional a adopté de nouveaux plans de gestion. Selon le principe du pollueur-payeur, le citoyen devra faire un nouvel effort financier pour les eaux usées, idem pour l'industrie. Par contre, aucune nouvelle mesure ne sera imposée au secteur agricole, ce que certains ne comprennent pas. Les agriculteurs, eux, rappellent qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts et qu'ils en font encore pour limiter le ruissellement des eaux usées. Un large périmètre a été bouclé aujourd'hui sur le territoire d'Etterbeek à Bruxelles, dans le quartier de la Chasse, qui évoque aujourd'hui plutôt une chasse à l'homme, puisque c'est là que se planquait le kamikaze, parti se faire exploser à la station de métro Malbec, et l'homme au sac à dos, qui lui avait renoncé à jouer les martyrs le 22 mars dernier. Une reconstitution a donc eu lieu cet après-midi dans le cadre de l'enquête sur les attentats. Enfin, un petit mot de tennis avec la défaite aujourd'hui de notre compatriote David Goffin en quart de finale du tournoi de Halle. Goffin battu par un certain Roger Federer, qui est un petit peu dans son jardin, 6-1, 7-6. Un match de préparation en vue du tournoi de Wimbledon qui commence dans 10 jours. Fun. Fun Radio. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Qui va repartir avec son Golden Pass? C'est la question qu'on se pose. Et ouais. Et on dirait des acteurs, c'est genre, oh mon Dieu, mais que va-t-il se passer maintenant? Tout à fait. Si vous voulez repartir avec votre Golden Pass, vous allez à Walibi, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. On connaîtra le grand gagnant juste après le chant de Rochelle et puis la météo aussi, Carlo. C'est quoi le programme pour ce week-end? Pas de changement notable à signaler demain en ce qui concerne la météo. Par contre, dimanche, retour d'un temps sec avec quelques éclaircies. Et nous devrions gagner l'un ou l'autre petit degré. Voilà, tous un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Rochelle. Salut. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Love me like no one else get your heart. Got you in my bones. I want you. love the way that you're doing the things that you're doing. So keep on and give me that thing that you want me to feel. I love the way that you're doing the things that you're doing. So keep on and give me that, keep on and give me that, give me that. Got you. Plus qu'à quelques petites minutes du week-end, ça y est, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. On va déjà se mettre un peu dans l'ambiance avec le son d'Avicii et Conrad Sewell. Il y aura aussi Florida juste après. Mais d'abord, on va appeler maintenant comme promis quelqu'un qui a envoyé Pulsar par SMS au 6322 avec à la clé, s'il vous plaît, quand même un Golden Pass. Mais non, et même ça, pas. Non, même pas un Golden Pass, deux. Oh là là. Gavage. Gavage. Gavage. Ça veut dire quoi ça? Quand tu reçois un... Non, quand tu reçois un gros cadeau, gavage. Non. Non, bah non. D'accord, ok. Ça, c'était ce que ton papa te disait quand tu mangeais, mais ça n'avait rien à voir, mon petit Fab. Voilà, on fait sonner maintenant, c'est parti. Si ça décroche, et bah à lui, c'est deux Golden Pass. Gavage. Non, c'est nul. Non, mais ça coûte une blinde quand même, hein. En même temps, ça les bienvenue sur oh, What c'est non. Une vanne. Ceci est la messagerie vocale de... Ah oui, ben bah, raccroche parce qu'on va pas mettre son... Ah, voilà, ben tant pis. Écoute, moi j'appelle pour te filer un Golden Pass et ça ne... Et toi, tu ne décroches pas. Décroche pas. C'est un peu l'histoire de toute ma mais vie. Mais comment on peut pas décrocher un Golden Pass? C'est ouais. Accès toute l'année, gratuit. Pourquoi? Ça va, Sandro, calme-toi. Mais tu sens ou pas que j'en veux un, hein? Bon, et bah du coup, dommage pour l'auditrice qui n'a pas décroché. On va refaire une tentative dans quelques petites minutes. Si vous voulez repartir du coup avec vos deux Golden Pass, et bah c'est possible grâce à cette auditrice. Hein, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. On refera un tirage au sort juste avant 20h. Et là, côté son dance floor, maintenant on se fait Avicii et Conrad Sewell sur Fun. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. And I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together and no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. To no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. You make it easier to sing, yeah. The shore and our hearts are jumping. I grab another coke and let's dive in. Sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make it seem forever and be real together. No. Yeah. easier to sing. Fun Radio. My heart beat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the blizzard. 10 million in the frame, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know. When the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go, you got a lot of living. Keep the body on the road, ain't nothing like the feeling. When you're winning in your soul, the wheel keeps spinning. Only got one goal, don't stop, stop the show. Can't stop, stop the flow, the world ain't ready. Cause I rock the globe, so act like you know. Act like you know, act like you know. Just what to do when the good time roll. When you're bad to the bone, gotta be the hottest when you shine like chrome. Gotta find that zone, it's a mind of its own. Love roller coaster, loop around in the zone. Love roller coaster up and down, pretty strong. Just like gold, I'm already sold. Let the good time roll. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spend what you got, got. What you tryna sell, I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good time roll. Let's go all night, wake up the club and let's go all out, more drinks for us, toast to the good times, may they last forever, we're young to the good times, raise your glass, let's all have some fun. Let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus entendu, la sur Fun Radio. Justin Timberlake est de retour, ça fait plaisir. On vous a calé aussi le son de Jonas Blue pour la suite avec Perfect Strangers. Tout ça, ça arrive juste après l'horoscope. L'horoscope. L'horoscope. Sur Fun Radio. Ouais, et on va vous dire si vous êtes quelqu'un de jaloux. C'est parti les béliers. Non, on peut pas dire que vous soyez quelqu'un de jaloux. Non, non, si vous suivez votre petite amie dans la rue, c'est juste pour être sûr qu'elle se perde pas. Taureau. Vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux, non. Vous êtes malade, vous avez fait greffer la même puce électronique à votre chien qu'à votre petite amie, juste pour le retrouver plus facilement. Allez, le toutou, viens ici. Ah, oh, ça serait allez, génial, n'empêche, t'imagines. Lève la papate. Les... Non, ça c'est. Non, non merci, ça ira. Okay. Les Gémeaux. Vous n'êtes absolument pas jaloux, que du contraire, vous ne demandez pas mieux que quelqu'un vienne enfin vous débarrasser de votre petite amie. Essayez secondemain.be. Cancer. Votre jalousie a fait fuir plus d'une de vos petites amies, c'est pour ça que maintenant vous avez décidé de les attacher dans votre cave. Et les Lions. Si la jalousie est un sport, vous seriez certainement triple médaille d'or aux Jeux Olympiques, toutes catégories confondues. Et les Vierges. Vous êtes jalouse niveau, je fais des crises sur des garçons alors que je suis même pas avec eux. Eh bah ouais, elles ont bien ça, raison. C'est, ça c'est toi Audrey, je pense. Bah ouais, mais c'est sûr, mais moi je suis jalouse de ouf. C'est hein, toutes sérieux, les meufs, hein. Ça mais il faut se méfier, vous êtes tellement... Mais non, mais vous êtes tellement sale pas... Peste.

want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Why? Okay. Hey, hey, tu me non, non, non, moi je l'envoie à Sandro. Non, bah c'est quoi ce. Quelle enflure! Mais toi t'es mec. Bien un italien, un espèce de mafieux au côté de Jala en train d'essayer ouais. de faire des affaires. Quelle enflure! Ouais, mais ça. Mais du coup, moi je les revendrai, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais bien sûr. De toute façon, je le sens bien là, je sens que ça va décrocher. Ce qui serait bien, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression de faire du sport tellement je donne tout quoi. Allez. Allez. On croise les doigts. Mais décroche! Mais c'est impossible ça. Attends, t'emballe pas trop parce que je sens le répondeur quand même. Que te faire m'a dit. Allez, hein. Répondeur. Bienvenue. Mais non. Ceci bon. Est la messagerie de Romain. Salut, vous êtes bien sur la messagerie de Romain Sandra. Je ne suis pas là pour le de moment. Sandra. De Sandra. Eh ben, c'est bon, raccroche. Attends, il y a un problème. Sandra. Vas-y. Bah du coup, Sandra s'est perdue aussi. Est-ce que quelqu'un est encore à l'écoute de l'émission? Sincèrement, j'ai l'impression qu'on est tout seul là ce vendredi soir. C'est pas possible un truc pareil. Bon, Kéké, note numéro 0475. Non, ça c'est le tien. Arrête ça tout de suite. Donc bah du coup, écoutez, on va écouter Era Istrefi et puis on verra si on refait un tirage au sort dans quelques petites minutes. Si vous voulez essayer de repartir avec. Eh ben vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 pour choper vos deux Golden Pass direction Walibi. Vous allez retrouver Party Fun, les gars. Vous allez pouvoir vous mettre dans l'ambiance de la soirée. Mais ça, c'est cool parce que quand t'es en train de te préparer en mode salle de bain, tranquillou, eh ben, tu te branches sur Fun Radio. N'empêche, ça peut chauffer Fab de se dire qu'il y a des auditrices qui écoutent Fun Radio dans sous leur douche, en train de se préparer pour sortir. Arrête de lui dire ça parce que l'année prochaine, il va postuler pour faire Party Fun juste pour s'imaginer que les filles l'écoutent en train de se déshabiller. Je vais postuler pour faire rideau de douche, moi. Oh non, il n'y a pas possible. Il n'y a pas la place. Hein. C'est pas... Non, ça va pas possible. Ça va déborder. Eh, vous avez vu le rideau de douche qu'ils ont sorti genre pour pas traîner dans la douche. Non. C'est énorme ce truc. En gros, t'as un rideau de douche avec des picots, mais qui sont abaissés. Et puis plus le temps passe, et plus les picots en fait se dressent. Et alors tu te fais piquer dans la salle de bain si tu restes trop longtemps. Mais non. Si, je te jure, c'est énorme. Sérieux, je vais t'acheter ça, Fab. Ça sera mon cadeau personnel. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Ne me remercie pas vraiment. Ça me fait plaisir. Arrête. Non, ça me gêne. Vraiment, Fab. Bon, allez, on va sur le son d'Alan Walker. Et on a toujours pas réussi à trouver le gagnant des deux Golden Pass direction Walibi. Les Golden Pass, les gars, c'est des passes qui vous donnent l'opportunité d'aller à Walibi. En gros, quand vous voulez, pendant toute la saison, et vous payez pas. Donc c'est quand même le pied. Ça c'est pas juste pour Walibi, parce que ça fonctionne pour Walibi, Aqualibi, et pour aussi Belleward. Oh! Donc ça fait plaisir. En plus, il y a l'été qui arrive et tout, avec les enfants, les potes et tout, c'est génial quoi. Tu peux y aller autant de fois que tu veux. Tu viens, tu payes pas, c'est la grande classe. Toute une journée quoi. Et je pense qu'on est au moins au quatrième auditeur qu'on essaye d'appeler depuis tout à l'heure et ça ne fonctionne pas. On a la poisse ce soir, vous vous êtes tous barrés en mode apéro, vous nous avez laissé là en plan. Donc bah si encore quelqu'un, allez-y, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. On fait un truc, je vous laisse le temps d'Alan Walker maintenant qui arrive sur Fun Radio pour vous inscrire. Après, ce sera trop tard. On vous appelle, si ça décroche pas, c'est perdu. Pulsar par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. À 20h sur Fun Radio, c'est le son de Kungs que je vous ai calé avec This Girl. Il y aura aussi Major Lazer, ça c'est le tout nouveau avec Boom. Bon, juste avant de vous laisser dans les mains de Holly qui est à la tête de l'émission Party Fun avec tous les plus grands DJ qui seront de la partie d'ailleurs, il y aura Hardwell ce soir au platine. Si ça c'est pas de la pure folie, sérieux. Eh ben on va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui va peut-être repartir avec ses Golden Pass. On a deux Golden Pass à vous filer là, on a décidé ça en fin d'émission, on s'est dit ok c'est la fin de la semaine, on se fait plaisir. On vous file les deux Golden Pass, mais il faut décrocher pour ça. Hein. On essaye depuis tout à l'heure d'essayer de vous les donner, mais personne décroche. On est seul au monde en fait, tu vois. Il n'y a plus personne qui écoute l'émission, tout le monde s'est barré. Merci, ça fait plaisir. Tout le monde est sous sa douche, comme t'as dit, pour se préparer pour sortir pour ce mais soir. Mais sortez de la douche, essuyez-vous et décrochez. C'est pas possible. Femme, calme-toi. Mais ça va, toi. Sinon, ça va avec ta copine ouais, elle est peut-être sous la douche aussi. N'en fais pas genre, t'as pensé à elle, parce qu'on sait très bien que tu pensais aux auditrices et pas à ton amour. Laisse-moi imaginer la copine de Fab sous la douche. Mais imagine pas ma copine sous la douche. Attends, contact avec la boîte à messages. Non. Oh! Enregistrez votre message. Attends, Kéké raccroche. Allez, on refait une tentative, une toute dernière. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, franchement, qui écoute l'émission? Et si vous nous écoutez, dites-nous là au 3044. J'ai l'impression d'être un peu seule, tu vois? Non, je sais pas. On est trois, c'est pas mal. Il y avait quoi ce soir? Il y a rien pourtant. Il y a un match ou pas? Il y a un match, bah ouais, il y a un match. C'est qui? C'est quoi? Je sais pas, c'est pas un match important puisque l'Italie ne joue pas. Hey, tu sens comme on est à fond sur l'Euro 2016. Tout ce que je sais, c'est demain la Belgique. Au fait, pronostic? 2-1. Okay. Non, la dernière fois que j'ai dit ça, ça s'est pas bien passé, donc je dis 3-2. M'en fous. Ah, tu t'emballes 3-2, non, ouais. Je veux bien qu'il joue mal, mais la Belgique encaissera jamais 3 buts. Et toi, arrête de nous porter la poisse. Attends, tu vas voir que regarde, ça a pas encore décroché. Hein. Moi, je dis 1-1. Une vanne. 1-1. Pas possible, ça, on a pas d'amis. Hein. Ouais, je dis quand même 2-0. Allez, décroche, Godfair Doom. Oh non. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Chloé. Mais Chloé, bordel, attends, vas-y, on en refait un tout dernier. Non mais vraiment, c'est que j'aimerais bien les filer les Golden Pass. Si après ça décroche pas, on fait le tirage au sort sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Bah non, bah, je me dis que là ça va peut-être fonctionner du coup. Parce que, désolé, mais tout le monde nous a abandonnés ce soir. Heureusement, il y a Nico qui me dit au 3044 qu'il écoute l'émission. Et le but du jeu, c'est pas le dernier qui décroche à gagner, hein. Ouais, c'est quoi? Bah là un peu, oui quand même. Ah, il y en a pas d'amis ce soir, ça fait plaisir vraiment, c'est cool. C'est cool. Vous avez appelé n'est pas disponible. Ah bah voilà, mais c'est magnifique. Okay, bah écoute, ok, c'est bon, laissons tomber. Allez, j'en peux plus, j'ai tout donné, j'ai transpiré, j'ai fait mon sport pour au moins 2 mois. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah, pour tous ceux qui veulent repartir avec leurs 2 Golden Pass, et bah, rendez-vous sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. On fera un tirage au sort, bah, on fera le résultat ce soir. Voilà, tirage au sort et résultat ce soir sur la page de l'émission. On va vous laisser ici, on vous donne rencard à partir de lundi 17h. On aura aussi du beau cadeau, je vous expliquerai tout ça bah, lundi à 17h. Et on vous laisse avec Oli en mode party fun avec Hardwell qui sera aux platines. Bisous bisous, à lundi, bisous, ciao. À lundi. Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dis de Vos. Oui, Lemens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein. Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui, oui, oui. À chaque match, on est frites, oui. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà. De Vos, Lemens. À table. Dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster son business. Alors avec BNP Paribas Fortis, supportez les entrepreneurs près de chez vous et aidez-les à gagner leur pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Votez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Addict, le nouveau titre de Jepsar avec Liam Summers et Natel. Addict, le nouveau single de Jepsar, le son de l'été. Can't get enough of your Maintenant disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne et les services streaming. Fun Radio. Fun Radio. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné de subir dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez.

Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Les êtres humains éprouvent un désir incommensurable de découvrir. Parti fun. Parti fun. Dance. Electro. Parti fun. Les meilleurs DJ mix pour vous en exclu. C'est Parti Fun sur Fun Radio. Allez, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Fun Radio. C'est Oli, je suis super content de vous retrouver pour démarrer Parti Fun maintenant. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère également que vous avez terminé les examens, là, que vous allez pouvoir en profiter un maximum avec le son de Parti Fun. On démarre le vendredi soir en mode mix avec tous les résidents. Il y aura Dario, Magic Cut, il y aura Flash, Hardwell, Nicky Romero également. Et puis les guests ce soir à ne pas rater, Steve Aoki dès minuit et Dash Berlin à 1h du mat. Là on attaque très fort avec du Calvin Harris. Ça arrive juste après le son de l'été, le son de Dioro. Voici Bailar dans Parti Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fiesta non-stop. Non-stop. Parti Fun. Party Fun. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale.